Donc, on est présentement avec William Baïha. C'est ça. Yes. Étudiant au doctorat en sciences humaines appliquées et aussi animateur de Accent du Sud. Sur la CISM, ici. Sur la CISM, ici. 89.3 FM, bien sûr. Sure. Comment ça va, William? Je vais très bien, Gabriel. Je suis content d'être enfin sur le plateau d'Épistémia, parce qu'on en a parlé peut-être en dehors de ces antennes. C'est l'une des premières émissions que j'ai suivies sur Montréal quand je suis arrivé, parce que je suis étudiant international. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Et c'est l'une des émissions aussi que j'ai écoutées, évidemment, sur la CISM, et qui m'a amené à penser que c'était quelque chose de pertinent de proposer un format qui puisse prolonger cette discussion, mais davantage orienté vers des contextes beaucoup plus centrés vers le Sud. Donc, d'une manière, pour le dire simplement, c'est peut-être pas un honneur, mais pas loin aussi, pas loin d'un honneur d'être là et puis de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Mais c'est quand même un gros compliment. Je sais que quand on s'est rencontrés la première fois, le lancement de la saison d'automne 2022, tu m'avais dit « Ah, mon émission préférée! » c'est une blague, là, mais merci. Mais oui, mais bon, quand tu écoutes un peu ce que je fais sur Accent du Sud, ça prolonge vraiment la conversation, je pense, avec ce qui se fait sur Épistémia, donc... Je ne suis pas totalement dépaysé d'être ici, donc je suis bien content. Ouais, mais j'ai écouté quelques épisodes de ton émission. C'est vraiment une bonne émission. C'est de la qualité quand même, des bonnes entrevues. Puis c'est un sujet qui est comme un peu plus ciblé que le mien, parce que moi, je suis comme, j'ai besoin d'entrevues. Viens me parler. T'sais. Toi, tu as vraiment un sujet comme assez ciblé. Puis c'était, tu l'as mentionné, tu trouvais que c'était important de parler du Global South un peu? C'est ça, c'est ça. Le Grand Sud, comme on dirait en bon français. Oui. Juste comme habitude d'entendre cette expérience. Oui, c'est ça. Global South, c'est le terme consacré à l'université, mais en tant que Québécois, néo-Québécois, je fais la promotion de la francisation. C'est bon, ça. Le Grand Sud, c'est quelque chose de... On n'en parle pas souvent, tu sais, dans les sociétés qui sont comme colonialistes, comme les nôtres, nordiques. C'est quoi, pour toi, l'intérêt de vraiment comme parler de ce qui se passe dans le Sud? C'est quoi, sur quoi tu te concentres aussi quand tu parles de ces sujets-là? Globalement, ce qu'on appelle le Grand Sud est une construction épistémologique qui décentre, en fait, les centres de savoir, les centres de décision et permettent de dire quelque chose qui a à voir avec l'actualité actuelle. Si je peux me permettre le terme actualité actuelle, c'est-à-dire avec la contemporanéité du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est plus unipolaire, qui n'est plus essentiellement occidental. Nous sommes dans un monde qui est multiculturel. Et cette multiculturalité traverse le cadre des essences, qu'on pourrait dire folkloriques, pour atteindre les essences de savoir, dans tous les cas, les structures de savoir, les structures de pouvoir. Et donc, ce Grand Sud-là n'est pas une notion essentiellement géographique. Et d'ailleurs, même, je dirais même, ce n'est pas une notion géographique. Seulement, la plupart des contextes non occidentaux se trouvent dans les hémisphères dits du Sud. Mais le Sud peut également se retrouver dans les pays du Nord, entre guillemets, dans les pays occidentaux. Donc, on peut avoir des populations qui ont été, par exemple, colonisées dans les pays du Nord, comme par exemple en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et dans une mesure importante d'ailleurs au Mexique. Donc, de la même manière, le Sud peut se retrouver dans les contextes du Nord, autant le Nord peut se retrouver dans les contextes du Sud. Donc, c'est davantage une matrice d'analyse de l'hégémonie, et notamment de l'hégémonie occidentale, pour essayer de complexifier le monde et de dire que le monde est un monde multiculturel et que, évidemment, les savoir-faire, le pouvoir doit pouvoir être distribué de cette manière-là, de cette manière multiculturelle et pour prendre en compte les épistémologies ou pour utiliser un terme qui serait proche du titre de l'émission, les épistémées, c'est-à-dire les manières de penser des autres réalités humaines, parce que pour pouvoir faire un monde, il faudrait de tout. Au sens propre du terme. Oui, c'est ça, parce que les réalités sont différentes dans des contextes géographiques différents, au minimum. Au minimum. Puis on peut comme rentrer comme ethnographique, etc., culturel. Mais c'est essentiellement que je comprends que quand tu parles le Sud, entre guillemets, c'est une figure de style un peu qui veut exposer les relations de pouvoir. Les relations de pouvoir. On parlerait davantage aussi de... C'est un terme qui serait proche, c'est un terme de la subalternité. Donc, être subalterne, c'est-à-dire ne pas être hégémonique ou, dans tous les cas, essayer de se dégager d'une hégémonie, d'une dominance. Et donc, oui, effectivement, nous sommes au cœur des enjeux de pouvoir. Des auteurs tels que... des auteurs, des penseurs, tels que Foucault, qui ont beaucoup travaillé dessus. Je travaille moi-même actuellement sur la décolonialité, parce que ça a à voir. Je travaille sur les épistémologies du Sud. Tous ces mouvements-là permettent de penser le pouvoir et le savoir, en disant que le savoir est... Il y a un savoir qui se veut dominant sur les autres, mais d'une manière indue, parce qu'on vient avec une manière de penser qui peut être très bien, qui peut fonctionner au Nord, dans les contextes occidentaux, et on essaie de plaquer ces manières de penser dans des contextes autres. Mais ce n'est pas juste fait par méchanceté ou par volonté de plaquer, par volonté de faire la photocopie. En fait, il y a derrière des stratégies de pouvoir qui sont des stratégies structurelles. Donc, on utilise un logiciel qu'on maîtrise pour pouvoir analyser et mettre en ordre un penseur tel que Valentin Yves Moudimbe parlerait de l'invention d'autres contextes. Donc, on va inventer l'Afrique, on va inventer l'Amérique latine, on va inventer l'Asie. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre l'Asie à la dimension de ce qu'on peut comprendre. Et donc, c'est un peu ça que les épistémologies du Sud essayent, dans ce qu'on, de la réflexion sur le Sud et la réflexion sur la subalternité, permettent en fait d'isoler. Et en isolant ça, en étudiant ça, on peut pouvoir maintenant s'en dégager un peu plus facilement. Donc, c'est un peu ça... C'est un peu ça, les enjeux de ce Sud-là. Essentiellement, pour rendre ça extrêmement simplifié, c'est que ça veut nuancer les visions que, mettons, l'Occident a sur les pays. Parce que tu dis, on invente l'Afrique. L'Afrique, c'est énorme. Il y a comme une multiplicité de personnes en Afrique, d'ethnies, de cultures, plusieurs, beaucoup de pays, beaucoup de réalités différentes. Mais là, on se dit comme, ah, t'es l'Afrique. On entend souvent, on rit des Américains quand ils disent que, ah oui, le pays de l'Afrique. Oui, oui. ça fait ça. Et même dans la manière avec laquelle l'Afrique est complexifiée. En fait, le vrai problème n'est même pas de dire que quelqu'un peut dire l'Afrique, mais le problème, c'est que la personne qui dit l'Afrique, c'est rarement l'Africain lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'Afrique mettrait dans le terme Afrique, ce n'est pas forcément le même que quelqu'un d'autre mettrait. C'est-à-dire, ce serait un peu... ce serait vu avec, peut-être avec humour, quelqu'un qui viendrait de Philippines pour expliquer aux Canadiens ce que c'est que le Canada. Donc, mais c'est ce qui se passe dans les autres contextes où on a souvent des personnes qui font 2 semaines, 1 mois, 1 an, 6 mois et qui sortent de là étant spécialistes du contexte. Ça, et notamment, c'est souvent des Occidentaux qui peut-être travaillent dans une ambassade ou dans un consulat et au bout de leur séjour, ils ont passé peut-être 1 an ou 2, en revenant dans leur pays, ils reviennent tout à fait spécialistes du contexte. Mais moi, je suis quelqu'un qui est toujours entre deux mondes, mais j'ai passé beaucoup de temps hors du Cameroun, qui est mon pays. Et peut-être ici, au Québec, je suis là depuis 1 an, mais il ne me viendrait pas à l'idée, dans tous les cas, il viendra à l'idée de personne, de m'inviter sur une chaîne de télé ou de radio pour... en tant que spécialiste du Québec, ça ferait pas. Je peux donner un témoignage de touriste, mais ou d'étudiant international, mais sûrement pas de spécialiste. Donc, il y a cette matrice là qui fait que il y a certaines personnes qui sont un peu plus légitimes, qui se légitiment un peu plus à donner leur point de vue sur d'autres contextes. Donc, qui inventent un autre contexte qui n'est pas forcément le contexte en soi. Le contexte peut être complexe, il peut être simple, mais le point de vue de la personne qui vit dans ce contexte-là, a quand même une certaine importance. C'est vrai qu'on ne peut pas être sur le balcon et se voir passer dans la rue, mais on sait plus facilement ce qu'on, les réalités qu'on vit, on peut plus facilement les expliquer. Dans tous les cas, expliquer ce qui nous pousse à faire un certain nombre de choses quand on est en train de les faire soi-même, surtout quand on les a imaginées soi-même. Excuse-moi, j'ai juste vraiment beaucoup aimé l'expression « on peut pas être sur le balcon et se voir passer dans... » Bien sûr. C'est pour dire qu'on ne peut pas s'enfermer et se dire que, OK, puisque je suis africain, forcément, tout ce qui se passe en Afrique, je suis le seul à pouvoir, pouvoir dire quelque chose dessus. Un regard extérieur est toujours important, mais le regard extérieur doit être un regard extérieur et pas être le seul regard ou, dans tous les cas, le seul discours, la seule expérience qui tienne et qui structure un contexte et qui dise ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Donc, et ce que je dis là peut paraître poétique d'une certaine manière ou, dans tous les cas, militant en fonction de comment est-ce qu'on me situe sur une grille de temps. De l'engagement, mais ça a des conséquences très directes dans la vie des gens au quotidien. Moi, je travaille pour ma thèse de doctorat sur la définition de ce qu'on entendrait par la médecine. Et le terme médecine peut prendre, médecine et santé d'ailleurs, ça peut prendre des dimensions qu'on n'imaginerait pas si on ne les interroge pas à l'aune de cette subalternité, à l'aune de ces épistémologies du Sud, parce que une médecine ou une bonne santé dépend aussi d'un contexte culturel. La maladie ne se définit pas de la même manière partout, en termes, quand je dis partout, que ce soit en termes de lieu, que ce soit en termes de temps, avec le temps, avec le déplacement des lieux, on définit les affections, ce qu'on appelle l'étiologie, de différentes manières. Et si on décide que ce qui fait maladie dans un contexte du Nord fait obligatoirement maladie dans un contexte du Sud, on a un problème. De la même manière, si des gens du Sud décident que, se disent que quelque chose fait maladie au Sud et qu'on amène ça au Nord pour dire que ça fait forcément maladie, il y a un problème. Il y a des points où il y a des rencontres, mais il y a des points où il y a des différences fondamentales. Et dans un projet de couverture sanitaire universelle, comme c'est ce qui est actuellement promu, définir la maladie du seul point de vue occidental signifie qu'il y a une grande partie de la population mondiale, environ les 4/5, qui peuvent être soignés mais par accident, parce qu'on n'a pas défini la maladie proprement et donc on ne fait pas une médecine correcte qui touche tous les aspects de la maladie de l'espèce humaine. Parce qu'il faut bien imaginer des extraterrestres qui arriveraient sur Terre et à qui on dirait de faire une ethnologie de l'espèce humaine, de dire qu'est-ce qui fait maladie dans l'espèce humaine. Ils vont faire la recension de tout ce qui fait maladie pour l'être humain. Ça va quitter des maux de tête dans des aspects psychosomatiques, si on veut, comme on dit dans la biomédecine, ou des aspects beaucoup plus sociétaux, comme dans, par exemple, les sociétés africaines, où la maladie n'est pas seulement la maladie du corps, tel qu'il peut être saisi et être découpé, mais la maladie touche la société en tant que telle, c'est-à-dire une personne malade, c'est en fait toute la société qui est malade, et la médecine donc qui doit traiter cette maladie doit prendre en compte cette complexité, et dans tous les cas, cette nouvelle frontière que les peuples fixent à la connaissance et à la science. Dans tous les cas, les nouvelles questions qu'on pose face à un problème et les intégrer. Donc, j'essaie de voir dans quelle mesure cette logique-là peut être interrogée et être proposée aux États. Parce que même ici, au Canada, on a des Premières Nations qui font partie de ce sud. Là, on a les immigrants qui font partie de ce sud, sans compter maintenant les subalternes même du Nord, c'est-à-dire des personnes qui sont perçus comme hégémoniques, mais qui ne le sont pas, des populations pauvres, etc. Ce qui fait maladie pour un pauvre ne fait pas forcément maladie pour un riche. Donc, le pauvre peut avoir des problèmes de famine, je prends ça simplement comme ça, qui deviennent des problèmes de santé. Alors que pour un riche, ce qui fait problème de santé dans la maladie, dans la nourriture, c'est peut-être l'obésité ou la malbouffe, je ne sais pas trop. Mais pour le pauvre, c'est déjà d'avoir quelque chose dans le plat. Donc, c'est un travail vraiment difficile, qui se conçoit comme difficile, mais la science, c'est aussi de rendre compte de la complexité du monde et pas de trouver essentiellement des solutions qui sont déjà là. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière pour parler de l'idée des grilles d'analyse qu'on a puis des conceptions du monde. Parce que moi, étant au Québec, avoir une éducation style européenne, mon cadre d'analyse vient de les anciens Grecs, essentiellement. On a les Grecs et aussi le cartésianisme. Mmh. Donc, c'est cette manière de voir les choses qui est très, entre guillemets, rationnelle. Mmh. La rationalité occidentale contemporaine. Puis, quand on parle de, justement, poser ces grilles d'analyse-là sur des peuples qui n'ont pas les mêmes, nous autres, on va définir, justement, comme tu sais, soit l'Asie, l'Afrique, comme ce qui se passe en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est vraiment complexe parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de... Les sociétés sont extrêmement mixtes coloniales aussi. Mm-hmm. Et on les définit par rapport à, comme c'est ça, la grille d'analyse qu'on a, qui est comme ancienne, mais qui n'est pas universelle. C'est ça. Donc, quand tu parles de comme définir la maladie, ce qu'on a présentement dans un cadre mondial, on a comme une définition de la maladie qui est essentiellement comme t'es rationnel, style socratique, un peu plus. Est-ce qu'on peut dire socratique? Je sais pas, moi je dis ça de même. Là, en fait, c'est bon, disons que... aristotélienne. Ce qui est rationnel, c'est ce qui relève de la raison. Et pour reprendre un terme que Descartes a utilisé, une expression qu'il a utilisée, même s'il faut la remettre en contexte, il disait « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Mais quand on dit « bon sens », le bon sens dépend de la culture aussi. Donc, en fait, la raison est humaine. Tout être humain est doté de raison, est doué de raison. La particularité de la raison occidentale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé la modernité. La modernité, c'est ce qui fait la différence entre les conceptions du monde du Moyen-Âge européen, ouest européen notamment, c'est-à-dire occidental, c'est-à-dire on peut dire l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire ce Moyen-Âge-là, et les conceptions qui ont émergé à la Renaissance. Donc, et ces conceptions-là, c'est la modernité. Ça, c'est un projet. Mais comment gérer le projet de la modernité? C'est-à-dire, comment faire en sorte de repousser les superstitions, l'idée que les choses le monde peut être régi par une conception théologique, une conception théologique des problèmes, c'est-à-dire la prière peut résoudre des problèmes, l'Église, etc. Comment mettre la société et l'homme à distance de ces logiques aussi féodales en termes de pouvoir, c'est-à-dire où l'arbitraire, la superstition, les idées reçues dirigent le monde. Et comment permettre donc à l'homme de pouvoir se récupérer et pouvoir dominer, c'est-à-dire dominer le monde par la connaissance. C'est ça la modernité. C'est un projet. La réponse à cette question a pris différentes... En fait, c'est un projet, je peux dire, humain. C'est-à-dire, comment rendre l'homme maître et possesseur de la nature, si on peut dire une formule heureuse de la modernité. Ça a pris, cette définition a pris plusieurs voies. Mais les auteurs, j'utilise le terme auteur parce que je suis actuellement dans un processus d'écriture aussi, mais disons les penseurs qui ont gagné la bataille sont des penseurs qui ont éliminé le spirituel. Parce qu'à un moment, il y avait une idée qui pensait qu'il fallait développer à la fois le spirituel, il fallait développer à la fois le somatique. Parce que l'être humain, c'est à la fois une âme, une spiritualité, et puis des aspects somatiques. Donc, il y a eu une conjonction, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il y a eu une conjonction d'événements et de faits historiques qui font que la pensée a davantage penché vers des conceptions beaucoup plus somatiques, parce qu'elles étaient plus mesurables. C'est-à-dire, on a d'un côté le développement du capitalisme qui veut des résultats, c'est-à-dire on veut quelque chose qui soit sûr. On va investir davantage sur quelque chose qui est préhensible, sûr, vérifiable, etc. On a de l'autre côté le développement de l'État moderne qui a des logiques de contrôle. Donc l'État veut avoir quelque chose sur lequel il va mettre la main. Donc, on a développé beaucoup la science qui pouvait se saisir des choses. Et cela a conduit, en fait, par exemple, en médecine, pour rester en médecine, à mettre l'accent sur le corps plutôt que sur tout ce qui est esprit, tout ce qui est supra-individuel en tant que société, quelque chose. Donc, la médecine sociale, même aujourd'hui, reste une médecine qui est, je ne dis pas balbutiante, mais elle n'est pas aussi développée que ce qu'on appelle la biomédecine qui touche le corps. Donc, on a investi le corps parce qu'il pouvait être saisi, parce qu'il pouvait être manipulé, parce qu'il pouvait être mesuré, parce qu'il pouvait être disséqué. Et donc, progressivement, cette logique-là touche tout, a touché toutes sortes de domaines. Donc, dans la science, ça a conduit à la spécialisation à l'intérieur des sciences, c'est-à-dire on est allé vers de plus en plus de spécialités. Ça a conduit avant ça à aux logiques expérimentales où on doit pouvoir vérifier que quelque chose qui a une réaction physique pour pouvoir implémenter. Et donc, c'est cette différence qui existe en fait entre le projet scientifique occidental qui répond à des besoins qui se sont posés dans la société occidentale, parce que les choix ont été faits en fonction des besoins de la société occidentale. Bachelard dit, la science est toujours, la connaissance est toujours réponse à une question. Donc la société et les chercheurs occidentaux se sont posés un certain nombre de questions et ils y ont répondu en fonction de la conjoncture historique dans laquelle l'Europe occidentale et puis ses colonies se sont trouvées à partir de la fin du 15e siècle et le 16e siècle. Mais cette conjoncture historique n'a pas été la même partout dans le monde. Ça n'a pas été la même chose chez les Chinois, ça n'a pas été la même chose chez les Africains, qu'ils soient Africains du Nord ou subsahariens, ça n'a pas été la même chose au Moyen-Orient, ça n'a pas été la même chose sûrement en Amérique, dans les contextes amérindiens, comme ce qu'on appelle les Amérindiens, les Premières Nations ici, les Inuits. Et ça n'a pas été la même chose en Amérique précolombienne. Donc, une partie du monde, une région du monde, parce que pour bien comprendre ces logiques-là, il y a une région du monde qui a pris ces problèmes et les solutions trouvées à ces problèmes-là pour aller les plaquer sur d'autres peuples qui avaient d'autres problèmes et en leur disant, j'ai trouvé les meilleures solutions en Europe occidentale qui fonctionnent et ces meilleures solutions-là sont universelles. Parfois, la greffe ne prend pas. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est oui, la science occidentale a permis à l'humanité de faire des bons énormes en termes de prophylaxie, en termes de thérapie. On sait tout le travail que le Pasteur a fait sur la connaissance microbienne. On sait tout ce que des travaux de Fleming ont fait sur la pénicilline et Tessera. On ne peut pas nier les avancées de la physique, que ce soit avec Newton, que ce soit avec Einstein. C'est stable, c'est des choses qui ont été extraordinaires et qui participent du patrimoine de l'humanité. Mais le savoir ne s'arrête pas là. Le savoir ne s'arrête pas là. Il faut permettre aux autres peuples de pouvoir répondre aux questions qui se posent à eux. De telle sorte que les avancées de la science occidentale additionnées aux avancées des autres contextes permettent à l'être humain d'atteindre le vrai projet de la modernité qui est de le libérer en fait de toutes sortes de superstitions. Parce qu'aujourd'hui, on a parfois l'impression en écoutant certains scientifiques, c'est-à-dire formés à l'université occidentale, que la seule façon de pouvoir connaître, c'est de connaître comme on connaît à l'université occidentale. Mais comment expliquer, par exemple, le développement de la médecine chinoise millénaire qui a soigné les gens et de décider que, OK, tout ce que la médecine chinoise a fait, puisque ce n'est pas passé par certains laboratoires, c'est nul et non avenu. Comment expliquer, par exemple, aujourd'hui, on a réfléchi sur les microbes. Oui, c'est-à-dire il a fallu un travail de Pasteur pour réfléchir sur les microbes qui posaient un problème à un moment précis dans l'histoire de la France et notamment de l'Europe occidentale. Et c'est très bien. Mais comment réfléchir au micro, mais dire par exemple que les Africains qui pensent qu'il y a une réincarnation de leurs ancêtres et que ces ancêtres-là peuvent soit infliger maladie, soit, comment dire, ces esprits dans tous les cas, soit guérir une maladie, que ça ne peut pas être quelque chose de connu, que c'est forcément de la superstition. Tant qu'on n'a pas fait un travail de réflexion pour pouvoir isoler ou éliminer un discours de connaissance qui dit quelque chose comme ça existe et ça a des effets. Tant qu'on n'a pas éliminé la possibilité qu'il y ait des effets par rapport à ça, on ne peut pas dire que c'est de la superstition. Parce que dire que c'est de la superstition, en fait, c'est un discours dogmatique. Et donc, on retombe un peu dans ce qui se passait au Moyen-Âge avec la religion où des prêtres, du haut de leur science, parce que la religion n'a pas toujours été mauvaise. La religion a fait aussi de très très grandes avancées pour l'humanité. Mais il y a un moment où il y a eu une diversion, où des prêtres et des évêques et le pape avaient décidé que la Terre tournait autour du Soleil, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et il a fallu que Galilée vienne dire le contraire pour qu'on lui dise « mais tu es un fou ». Mais tant qu'on n'avait pas fait le travail nécessaire pour dire « ce monsieur a peut-être raison », le peut-être ou le pas encore, on ne peut pas encore le prouver, mais ce qui est dit doit pouvoir être investigué. C'est là où la science commence, c'est ça le projet de la modernité. Donc aujourd'hui, la réflexion sur le Sud, pour revenir à ça, la réflexion sur le Sud, c'est de dire intégrons les autres dans la danse. Intégrons les autres, plus on est de fou, plus on rit. C'est ça. Il y a effectivement une tension présentement entre les scientifiques ou les grosses figures de la science occidentale et justement les autres manières de savoir. Je pense essentiellement à Richard Dawkins, qui est comme quand même très important dans la vulgarisation de ce qui est l'ADN, mm-hmm. et comment tout ça fonctionne, qui se plaint de... En Nouvelle-Zélande, ils enseignent comme des savoirs, pas des savoirs, mais des manières de savoir, entre guillemets, maori. Mais le truc, c'est que moi, je regarde ça avec, bien sûr, mon point de vue occidental, puis la méthode scientifique. On parle de investiguer les choses qui sont un petit peu plus, comment je pourrais dire, vaporeuses. Là. Mm-hmm. Puis est-ce que tu anticipes que justement, toutes ces choses-là, qu'on parle, mettons, de la réincarnation des ancêtres ou de l'âme, est-ce que tu anticipes qu'éventuellement, ça soit tout comme évacué? Est-ce que c'est une possibilité? C'est une possibilité que ce soit évacué. Parce que je veux juste préciser que c'est des choses qui ont été investiguées, comme les superstitions et les croyances occidentales ont été investiguées, ils n'ont pas été prouvées, puis au contraire, il y a aucune trace de comme ce qu'on peut considérer comme le monde surnaturel. Il y a des choses qu'on pourrait dire que des effets comme placebo, admettons, qui sont des effets réels, qui sont complexes et un peu méconnus. Pas méconnus, mais comme c'est difficile de comprendre. C'est en Occident, pour, comme on va dire... Parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a encore des gens qui sont comme extrêmement superstitieux, t'es religieux ou t'es la terre plate, etc. T'sais. Mais dans le savoir, disons, universitaire ou t'es des hautes strates de la société, les superstitions ont été évacuées. Est-ce que le projet occidental va comme un peu... Parce que il y a comme plusieurs parties à ma question. mais on va commencer par... parce que c'est correct d'avoir... Des croyances, un folklore, ça colore l'expérience humaine. Mais éventuellement, ça se peut que le... Que ce ne soit pas la science. Ben, c'est ça, mais que la science occidentale, qu'on la conçoit, aplanisse toute. Oui, oui. Bon, ce que je veux... L'un des enjeux... Je comprends très bien la question que tu es en train de poser, parce que c'est une question qui émerge de manière très claire. En fait, peut-être comme tu n'as pas fait de lecture là-dessus spécifiquement, tu navigues un peu, mais c'est une bonne intuition, la question que tu veux poser. La question, c'est de savoir comment faire pour valider un savoir qui, de toute évidence, ressemble à une superstition. Quelle est la valeur d'une superstition? C'est-à-dire, par exemple, la réincarnation, ces esprits, etc. Et comment faire pour valider ça par des expérimentations scientifiques? Et dans tous les cas, si les expérimentations scientifiques ne réussissent pas à valider ça, est-ce correct que ça soit écarté de la science, mais ça reste valable en tant qu'expérience humaine? C'est un peu ça. Là. Ouais, t'es comme folklore. T'sais. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que parfois, le plus important dans l'aventure scientifique, c'est, première chose, de se poser la question, c'est quoi, qu'est-ce que je cherche? C'est-à-dire, si je suis en train de chercher à me prouver quelque chose, j'aurais tendance à trouver ce que je suis en train de vouloir me prouver. Ça, c'est la première chose. Donc, si je pars chez les Maoris en me disant, OK, ce que je vais faire, je vais essayer de prouver que c'est bullshit, hein, pour parler en bon français. Ben, je veux dire, c'est, dans le cas des Maoris, c'est la navigation. Comme, comment est-ce que les autres ont fait pour, comme, pour tout naviguer le Pacifique? Pour naviguer. Donc, tant qu'on... Entre autres. Tant qu'on va avec une suspicion pour dire, c'est pas ça, on ne trouvera jamais rien. Mais... Le plus important, ce que je veux dire, c'est que le plus important dans la science, c'est déjà de se poser la question, une bonne question, et de trouver les, comment dire, le cadre d'analyse qui va permettre de bien analyser, et trois, trouver les outils de l'analyse. Parce que tant qu'on n'a pas, on n'a pas un discours de la méthode qui corresponde à ce qu'on veut chercher, on ne peut pas trouver. Je prends un cas simple. Nous sommes en train de faire de la radio. Nous avons des équipements de radio et etc. pour pouvoir émettre. Imaginez quelqu'un qui vient ici avec un microscope et qui voudrait faire de la radio. Ça ne va pas marcher. Et il ira dire, mais il n'y a aucun outil qui puisse permettre de faire la radio. Donc, quand on va faire des investigations, et c'est un travail qui a été développé par Boaventura de Sousa Santos et ses disciples, notamment Maria Paola Meneses, il parle de la sociologie des émergences et la sociologie des absences. Qu'est-ce qu'il entend par sociologie des absences? Il dit la sociologie des absences, c'est tous les efforts de négation qui ont été faits du savoir autre, c'est-à-dire du savoir non occidental, en contexte colonial par exemple. C'est-à-dire on est venu, on a postulé que les peuples colonisés ne savaient rien. On a brimé les savoirs qu'ils avaient en disant que c'est la superstition. On a coupé les outils qui permettaient de valider ce savoir, dans tous les cas, on les a niés eux aussi, en disant, ça, cette méthode-ci, pour arriver à ça, ce n'est pas une méthode scientifique. Parce que les outils pour pouvoir vérifier la science sont des outils qui sont sélectionnés avant de commencer de faire la science. C'est-à-dire que, avant de commencer, on travaille d'abord à dire, cet outil-ci va être un outil pertinent, cet autre ne va pas être pertinent. C'est ça qui fait que, quand on a des astrophysiciens qui sont arrivés dans les années 30 dans un village de Dogon au Mali et qu'ils ont trouvé que les Dogons au Mali connaissaient très bien où se trouvait la position des astres qu'on avait découverts seulement il y a 10 ans, c'est-à-dire dans les années 20, en France et en Europe, aux États-Unis, mais que les Dogons, des gens qui n'étaient jamais allés dans une école occidentale, pouvaient très bien situer, c'est-à-dire... Des astres, pouvaient situer des galaxies, pouvaient situer la position du Soleil par rapport à Sirius et pouvaient prévoir, bien avant même que la science occidentale puisse prévoir les orbites des axes, on a considéré deux choses. Première chose, c'est que forcément, il y avait un explorateur, forcément français, qui était passé par là et qui leur avait expliqué des rudiments et que par tâtonnement, il serait arrivé à faire ça. C'est-à-dire, il faut imaginer l'astrophysique aller, qu'on irait expliquer à un vieux dans un village qui ne sait parler ni français, qui ne sait déjà même pas écrire dans la langue, mais dans la langue que vous êtes en train de dire, mais qui peut prévoir différents solstices, qui peut vous tracer les... Vous comprenez? Donc, on a décidé que soit c'était quelque chose qui avait été inspiré, soit c'était le hasard. Et que ce hasard-là, on a trouvé toutes sortes de raisons pour expliquer que ce hasard-là pouvait se répéter autant de fois que ce vieux serait en train de faire ses calculs et que dans tous les cas, ça ne pouvait en aucun cas être un savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on ne s'est jamais posé la question. Bon, à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question, mais comment fait-il? Mais comment les Dogons ont fait pour connaître ces choses-là? C'est ça. Et pour pouvoir se poser cette question, il faudrait déjà reconnaître que les Dogons sont capables de penser par eux-mêmes et penser dans leurs conditions, qui ne sont pas forcément les conditions dans lesquelles se trouvait Descartes au XVIIe siècle. Et ce travail d'archéologie, ce travail d'archéologie du savoir permettrait de révéler de manière complètement, étrange, de saisir le réel, de manière complètement nouvelle pour nous, de saisir le réel. Et quand on aura intégré ça, et on peut également s'interroger nous-mêmes sur ce qui fait connaissance pour nous, forcément pour l'humanité, ça va être un ajout. Plutôt que de dire, ceux-là, ce qu'ils font, c'est de la pure superstition. Moi, je suis toujours impressionné par l'histoire de l'Amérique précolombienne. Moi, j'ai fait ma licence dans le système français, ma licence en histoire. Et quand je faisais première année, on faisait un cours sur l'Amérique précolombienne. Et dans ce cours sur l'Amérique précolombienne, d'ailleurs, le seul cours que j'ai fait sur l'Amérique, non, j'ai aussi fait l'esclavage, parce que j'ai fait mon histoire dans le système français, mais au Cameroun. Donc, j'ai fait un cours, on avait vraiment un cours très important sur l'esclavage, donc j'ai étudié l'Amérique aussi par le prisme de l'esclavage, dans l'histoire de l'Haïti, États-Unis, etc. Bon, mais sur l'Amérique précolombienne, on a une civilisation qu'on appelle la civilisation Olmèque, c'est pas une civilisation qui a été connue, même par les peuples qui ont été rencontrés par les premiers conquistadors, mais qui a laissé d'importants vestiges, notamment des têtes olmèques et tessera, qui sont très caractéristiques du style qu'on appelait entre guillemets négroïdes, c'est-à-dire c'est des populations qui ont le visage bouffi, le nez épais, etc. Tout ce qui ferait un noir d'Afrique d'aujourd'hui. Mais il y a un consensus aujourd'hui qui a été décidé que ces personnes sont tout, mais elles ne sont pas africaines. Pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie qui a décidé que c'est à partir du 15e siècle européen que l'être humain a été capable de traverser l'océan Atlantique. Et qu'avant, depuis des millénaires, personne n'avait jamais réussi à le faire jusqu'à 1472. Mais peut-on penser que l'être humain qui a des millions d'années sur Terre a eu la possibilité, en des millions d'années sur Terre, parce que l'Égypte ancienne, c'est 5000 ans. Il faut prendre 5000 dollars et voir, avec 1 million de dollars, voir la différence. 5000 ans, c'est une goutte d'eau dans les millions d'années. Combien de civilisations de 5000 ans peut-il avoir dans 1 million d'années pour nous rendre compte de notre prétention à dire, OK, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au cours des 5 derniers siècles, nous avons eu la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. C'est incroyable. Et c'est ce que je dis, nous sommes en fait retombés dans le Moyen-Âge de la pensée. Une pensée qui ne se veut pas ouverte. Une pensée unique. Qui est une pensée unique, qui est une pensée féodale. Et on voit ça même en politique aujourd'hui. On voit ça avec la reproduction des élites d'une manière indue, parce que le projet de la modernité, c'était de dire que ceux qui font le plus d'efforts soient les meilleurs de la société, soient mis en avant. Mais aujourd'hui, on a les reproductions de type féodal, c'est-à-dire qu'il suffit que l'on ait, par exemple, l'argent. L'argent est devenu la valeur suprême. Il suffit qu'on ait de l'argent pour que son enfant puisse en avoir, pour que son petit-fils puisse en avoir. Même s'il n'a pas forcément toutes les qualités nécessaires, même s'il n'a pas forcément l'intellect nécessaire, ce n'est pas très important. Si tout qu'il y a de l'argent, même si on n'est pas vraiment la personne la plus brillante, on va pouvoir s'imposer dans la société, on va pouvoir se faire élire, on va pouvoir faire élire son enfant à la présidence de la République, pour prendre le cas des États-Unis, avec la dynastie Bush. On va pouvoir se créer des capitaines d'industrie. Et c'est exactement la féodalité qui est revenue. Et on retrouve ça de plus en plus dans la science. Et quand les contextes du Sud frappent à la porte, c'est pour dire, Revenons au projet de la modernité qui est de permettre à l'homme d'être homme, en fait, d'être l'être complexe qu'il a toujours été, c'est-à-dire capable de se récupérer et capable de quitter d'une condition X à une condition X plus 1. C'est ça. Donc, les épistémologies de Sud ne doivent pas, c'est quelque chose aussi qui peut être perçu comme ça. Les gens se disent, ah, mais vraiment, ces gens, ils veulent faire basculer, ils veulent faire tomber l'Occident. Mais non, l'idée n'est pas de faire tomber l'Occident, c'est de dire, levons-nous ensemble. C'est de l'enrichir. Oui, c'est de dire, enrichissons-nous ensemble de notre, comment dire, de notre richesse commune. Parce qu'il faut bien dire, l'Occident s'est imposé dans beaucoup de contextes par la force. Mais l'Occident du 15e et du 16e siècle, notamment du 15e siècle, a aussi beaucoup séduit par le projet de modernité qu'il portait, en disant, je vous propose de sortir de telle situation pour pouvoir arriver à telle situation. C'est ça le discours que l'Occident a amené dans le Nouveau Monde, en Afrique, etc. Même si après ça a dégénéré en conflit. Mais ce discours-là, c'est le discours sur lequel l'Occident a encore aujourd'hui un avantage sur le reste du monde, de dire j'ai un discours de modernité, je suis capable de faire ce qu'on appelle le rêve américain, de faire en sorte que quelqu'un qui n'était rien en l'espace d'une vie devienne quelque chose. Mais ce discours là doit aujourd'hui, pour pouvoir continuer à être pertinent, intégrer d'autres manières de penser pour sortir des logiques coloniales. Je dirais même qu'il doit prouver son existence, ce discours-là, oui. Parce que c'est plus sûr, comme on dit. Là. Oui, parce que justement, les premiers conflits ont émergé de ce qu'il y avait un décalage entre le discours et les faits. Tu mentionnais que on avait évacué certaines manières de savoir parce que c'était pas des choses qui étaient c'est pas les bons outils qui étaient utilisés. Je pense notamment quand j'ai interviewé Médéric Sioui, qui est un historien comme autochtone, qui a fait comme il a fait ses classes dans le système occidental, pareil, mais il parle de comment les historiens occidentaux, ben eux autres, ils ont des données spécifiques qui vont dire ça, c'est bon. Mm-hmm. Comme quand c'est sur du papier, mm-hmm. ou quand c'est écrit d'une telle manière. Puis ça n'a pas toujours été comme les mêmes sources qui étaient primées. Puis que quand ils sont arrivés ici, ben, il y avait les anciens, les vieux, qui eux autres avaient comme le mandat d'être la mémoire de leur société. Ça. Puis vu que c'était pas c'était pas écrit, mais ça comptait pas. C'est ça. Puis, ils ont finalement, avec un peu d'études, ces personnes-là se sont rendues compte a posteriori que, ben, effectivement, leur savoir était quand même assez précis, puis pas plus ou moins précis que comme ce que les Occidentaux faisaient. Fait que, il y a comme une perte de savoir quand tu ne veux pas considérer certaines choses parce que ça ne fait pas partie de tes outils. C'est ça, c'est ça. Et surtout, il y a, sur l'écriture, si je peux dire un mot. Oui. C'est que l'écriture est le résultat d'une parole orale au départ. C'est-à-dire que évacuer la parole orale pour préférer l'écriture, ça fait vraiment partie. Pardon, ça fait partie de ces incohérences. Parce que ce qui est écrit, c'est d'abord quelque chose qui a été dit. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'existe pas par ailleurs. C'est quelque chose qui existe comme parole. Et donc, c'est-à-dire une fiction a beaucoup moins de valeur qu'une poignée de main. Je veux dire, quelqu'un qui a écrit une fiction et on ne va pas la présenter comme une source historique carrée. D'accord ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a vécu un événement, qui vous dit, j'ai vécu un accident, voici ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui a écrit une fiction, le témoignage direct a plus de force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'écriture, J'en discutais dernièrement avec un professeur, un ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, sur la question de l'écriture, et qui disait que la particularité de l'écriture dans certaines sociétés, c'est qu'elle est mal vue, en ce qu'elle fige, par exemple, les conflits. Un conflit qui a eu lieu il y a, par exemple, 50 ans, quand on l'écrit, les protagonistes ou les populations ont du mal à l'oublier. Les séquelles sont inscrites. Donc, ça nourrit la rancœur. Or, dans une société, entre guillemets, sans écriture, c'est-à-dire qui dirait tout strictement, on a plus tendance à oublier. C'est-à-dire, les sociétés ont tendance à pouvoir recommencer, c'est-à-dire à penser leurs blessures et à recommencer à vivre. Parce qu'il n'y a pas un cadre figé. C'est-à-dire, l'histoire reste en background, donc elle est assimilée et elle est réinterprétée par les nouvelles générations. Mais avec l'écriture, elle a du mal en fait à être assimilée. Donc, on fait une réitération tautologique de la même chose. Donc, on reste figé. Ça, c'est une lecture qu'il avait. Mais il y a une autre lecture aujourd'hui qui remet même en cause le fait qu'on dise qu'il y a des civilisations, d'une part, qui soient des civilisations de l'écrit, et d'autre part, des civilisations de l'oralité. Parce que l'écriture n'est pas toujours alphabétique. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. On a considéré, notamment, quand on est arrivé dans, c'est-à-dire les Occidentaux, on considérait l'épistémologie occidentale, a considéré que quand elle arrivait dans un système, et que ce système n'était pas alphabétique, et donc, ce système structural n'était pas de l'écriture. Or, la définition de l'écriture, est un code. Et c'est ça qui fait que cette logique-là, c'est ça qui fait que pendant près de 2000 ans, on a considéré que ce qui était tapissé sur les murs, les obélisques, etc., en Égypte, c'était des dessins, c'était de la décoration. Jusqu'à ce que Jean-François Champollion fasse ce travail de 1822 avec la pierre de Rosette et qu'il se rende compte qu'en fait, c'est une écriture, en fait. Mais pendant 2000 ans, des gens avaient décidé que, et ça c'était notamment le travail de l'Église, pour le coup, a décidé que c'était des fleurs qui étaient dessinées. Et moi, je viens d'un contexte traditionnel villageois en Afrique, où moi je vois l'écriture chaque jour, et qui n'est pas une écriture alphabétique, et qui est une écriture même qui a tendance à durer dans le temps. Mais elle est tout à fait écologique et elle n'est pas quelque chose qui est effaçable. Mais si tu n'es pas averti, tu n'es pas éduqué, on dirait dans l'invention de l'Afrique. Donc, si tu n'es pas initié, parce qu'en Afrique, on n'éduque pas, on ne forme pas, on n'alphabétise pas, on initie, parce que c'est toujours quelque chose d'un peu ésotérique. Mais en fait, si tu n'es pas éduqué, tu ne sauras pas que c'est une écriture. Je prends un cas simple. Il faut d'abord savoir que l'écriture naît dans un cadre, même l'écriture alphabétique, mais l'écriture naît dans un cadre social. C'est-à-dire, l'écriture a pour objectif de faire perpétuer. C'est pour ça que certains peuples, comme disait le recteur Nviondo, se permettent de ne pas la démocratiser ou bien la banaliser sur certaines questions où on voudrait que la société puisse se reconstituer. Mais l'écriture a pour objectif de perpétuer la mémoire. Et cette question de perpétuation de la mémoire est très importante sur les questions juridiques, notamment sur la question foncière, c'est-à-dire dans les villages africains, partout sur Terre où il y a deux familles et il y a des limites. Comment on fait pour s'assurer que ce que mon grand-père m'a légué, tu ne viennes pas le prendre demain? Si la société est sans écriture, donc c'est des personnes qui... par leur mémoire, décident des limites. Non. Il y a une écriture qui permet de distinguer les limites. Comment on fait? Moi, je peux être en train de marcher dans ce qui peut paraître être une forêt dense équatoriale. Je peux dire une forêt vierge. Et je peux te dire très précisément qu'il y a une personne qui a été enterrée ici. Et cette personne a été de tel sexe. Il est mort à peu près à tel âge. Mais comment je fais pour le savoir? J'ai juste besoin de lire la faune. Je vois ce qui est planté. Je vois la manière avec laquelle c'est planté. Et je peux le lire. Quand j'arrive sur une borne, c'est-à-dire sur un, comment dire, ce qu'on appelle une frontière, je peux dire avec certitude que je suis à la frontière de telle chose. Il y a des populations, par exemple, en Afrique qui sont balafrées, donc qui ont des scarifications sur le visage. Pour certaines personnes, ce sont des traits ethniques, c'est tout est dit. Mais personne, en fait, ne prend le temps d'aller poser la question à cette maman ou à ce père, à ce grand-père qui fait des scarifications et qu'on a rapidement éliminé en disant « Ah, lui, là, il fait des mutilations, il fait... » On l'a rapidement éliminé parce qu'on a voulu le traduire en quelque chose que nous, on comprend. Mais on n'a pas voulu lui dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'avec ces balafres-là, dans la société traditionnelle, on sait lire qui est cette personne qu'on a en face de nous. Pas besoin de pièces d'identité, on n'a pas besoin de ça. Seulement en te regardant, on sait déjà qui tu es. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Là n'est pas la question. La question c'est, ce savoir-là, comment on fait pour l'obtenir? Et dans tous les cas, le mettre sur la table. Avant de commencer à se poser les questions éthiques, les questions, je ne sais pas trop de quoi, mais ce savoir-là est déjà réponse à une question. J'ai pris des exemples comme ça qui heurtent souvent la sensibilité. On dit « Ah, mais non, c'est trop !» Mais le savoir est par nature sacrilège. C'est-à-dire que tout ce qui va entrer dans... toute nouvelle information qui entre dans un système forcément crée un choc. Tout. Tu dis le savoir est par sa nature sacrilège. C'est pas comme une interprétation judéo-chrétienne, ça? Non, je dis, oui. Moi, tu dis ça, puis j'ai, dans ma tête, t'es Ève, le serpent, la pomme. Non, quand je dis sacrilège, je prends ça au sens vraiment classique du terme. C'est-à-dire, il y a le savoir, pour le savoir, il n'y a rien de sacré. C'est ça le projet de la modernité. Okay. De dire que... Dans le sens où il y a des choses qui voudraient rester, disons, pas inconnues, oui, ou cachées, mais c'est comme le savoir veut mettre tout en lumière, oui, incluant les choses intimes. Il y a des gens qui se disent, ah non, il ne faudrait pas que ma sensibilité soit heurtée. Mais pour le sachant, pour le savant, pour le scientifique, la question ne se pose pas ainsi. La fissuration de l'atome pouvait heurter la sensibilité des gens. Ah, fait pas mal plus que ça. Oui, mais le travail scientifique doit avancer. Maintenant, la société décide de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais le savoir... Parce qu'avec les savoirs du Sud, souvent, ça heurte la sensibilité. Ça heurte la sensibilité d'une population... y compris dans le Sud, dans la population profane, qui est embarquée dans un paradigme occidental, qui se dit « Oh non, c'est trop, on ne peut pas faire ça, on ne devrait pas, on ne... » D'accord ? On vient avec des considérations d'ordre, c'est-à-dire d'ordre moral, c'est-à-dire des valeurs qui sont intéressantes quand on est en train d'utiliser après, mais que pour le savoir, on doit déjà savoir. On doit savoir, OK, telle chose, est-ce que c'est... Ça répond à quelle question? Je veux juste revenir en arrière un peu, parce que j'avais une question sur le langage. C'est... Puis avant qu'on rentre encore dans le sujet, je voulais... Parce que tu mentionnais que les sociétés qui gardaient l'écrit restaient en conflit. Oui, non, j'ai pas... potentiellement. Mais dans le cas, admettons, tu sais, des exemples ici, au Canada, je vais probablement en parler dans une émission bientôt, mais tu sais, le Canada veut souvent aplanir les choses que eux autres, comme que l'État a faites, qui sont, on va dire, disgracieuses ou choquantes. Comme l'exemple que j'ai en tête, c'est qu'ils parlent du grand dérangement quand ils parlent des Acadiens. En Acadie, tu sais, il y a comme 10 000, 15 000 personnes qui ont été expulsées de leur terre, à peu près. Les chiffres sont pas clairs dans ma tête. Il parle aussi du grand dérangement. T'sais, on est venu, ça y est, comme une expulsion, etc. C'est pas un dérangement. Pour certains, c'est un ethnocide. C'est une population comme précise qui a été exclue d'un territoire qui avait comme travaillé, colonial, mais écoute. Puis, grande partie de cette population-là est morte à cause de cette expulsion-là. T'sais. Puis, il y a une violence là, qui veut pas être annotée par le Canada, qui veut être aplanie. Puis, j'ai comme gardé ça comme... dans l'écrit, c'est important pour ces personnes-là qui sont descendants des gens qui ont été expulsés. Oui, ce que je dis, c'est moins à la dimension de la victime qu'à la dimension de la société en tant que telle. Parce que aujourd'hui, on est dans une époque particulière où il y a des victimes, il y a des bourreaux, encore que souvent on voit plus de victimes que de bourreaux. En fait, les bourreaux ne font pas la publicité. On est dans une... Ça, c'est différent. C'est-à-dire, chaque chose a un bon côté et un mauvais. Mais d'un point de vue général, en tant qu'espèce humaine, ou en tant que société, quand une société veut, dans son projet, en se disant, moi, société X, je voudrais la cohésion. D'accord ? À l'intérieur, dans la cohésion, il y a des gens qui vont être martyrisés, qui sont des victimes, c'est vrai. Mais en fonction du projet d'une société, ces personnes vont être oubliées, effectivement. Et dans certaines sociétés traditionnelles, entre guillemets, certaines sociétés traditionnelles faisaient ce choix en disant, peut-être, nous sommes un peuple de migrants, de pasteurs, de personnes qui donnent lieu à X, à un lieu Y. Et nous ne pouvons pas arriver à un lieu Y où nous allons trouver d'autres peuples qui vont être contre nous et arriver là-bas divisés. D'accord ? Donc, par rapport à cet objectif, par rapport à cette question-là, ils décidaient qu'il faut absolument avoir une cohérence. Et donc, ils réduisaient au maximum des possibilités de division. Donc, on pouvait passer par perte et profit des victimes. Je dis ça. En fait, tout ça, là, c'est des hypothèses. Mais pour que ces hypothèses soient étayées, il faudrait un vrai travail de modestie de toutes parts pour pouvoir redescendre. Et c'est d'autant plus compliqué pour nous autres qui venons de ces contextes-là parce que nous sommes à cheval entre plusieurs choses. Et nous... Parfois, nous sommes dans un métissage qui n'a pas donné. Parce que nous sommes plus occidentaux que du contexte local. Mais en même temps, on ne peut pas complètement dire que nous sommes les occidentaux. Et on ne peut pas complètement s'extirper de ce contexte-là. Et donc, ça pose vraiment d'importants problèmes, d'importants tiraillements qu'il faut mettre à nu déjà. Et c'est un travail qui est engagé en Afrique depuis au moins des... le début du dernier siècle, depuis au moins la fin donc, du 19e siècle, et avec le mouvement panafricaniste, avec Marcus Garvey, avec tout le travail qui a été fait pour la décolonisation juridique et politique, le travail qui a commencé à être fait par Frantz Fanon pour la décolonisation de la connaissance, du savoir, et qui se poursuit jusqu'à présent. C'est-à-dire... essayer de se récupérer déjà en tant qu'être humain pour pouvoir proposer quelque chose qui soit à la fois humain et particulier. Ce n'est pas un travail très facile. C'est-à-dire, je veux dire, quelqu'un qui est occidental, point, sait où il se trouve. Il peut se critiquer à partir de cette position-là, mais il sait où il se trouve. Il a deux pieds quelque part. Mais nous avons souvent un pied et demi en Occident et demi-pied quelque part. Parfois, on a un pied et demi en Occident et le reste se répartit entre trois ou quatre, quatre contextes. Ce n'est pas très, très, très simple à négocier. Mais, comme on dit, le monde est aujourd'hui complexe, le monde est multiculturel. C'est un travail qui doit absolument être fait pour redonner, en fait, pour redonner au monde toute la complexité qui s'y est. Et de remettre l'histoire en fait sur les rails. Parce que quand Fukuyama dit dans les années 90 que l'histoire est finie, c'est précisément ça. Parce que l'histoire de la modernité occidentale s'arrête avec la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Tout a été fait. C'est-à-dire, l'histoire est le parachèvement. C'est-à-dire, la raison occidentale a triomphé. Et quand on dit l'histoire s'est arrêtée, ça ne veut pas dire que c'est, comme on dit, la collapsologie. Non, ce n'est pas que ça tombe. Non. Mais on est arrivé où on devait arriver. C'est la raison occidentale qui fait la loi. Et that's it. Mais L'histoire ne s'est pas arrêtée pour les autres peuples de la terre. L'histoire se poursuit. Et cette histoire ne doit pas se poursuivre contre l'Occident. Ouais, je dirais aussi que tu parles de comme l'histoire s'est arrêtée entre guillemets parce que le projet occidental est arrivé comme un peu à terme. Oui. Là, c'est le projet occidental capitaliste qui est arrivé capitaliste. À terme. Parce que... Oui, parce que quand je dis que le projet occidental capitaliste est arrivé à terme, mais même les modèles critiques. Parce que le modèle occidental capitaliste, je peux dire qu'il a culminé au 19e siècle. Quand Marx arrive, c'est parce que ce capitalisme est en crise. Tout le travail marxiste a été de pointer cette crise et de dire que il faudrait intégrer c'est-à-dire ce qu'on a appelé le tiers-État dans ce projet. Parce que le projet moderne a été, kidnappé par la bourgeoisie. Comme on a pu voir avec la Révolution américaine, la Révolution française, kidnappé par la bourgeoisie, avec un peu en Angleterre, mais même si ça n'a pas abouti au pouvoir suprême, mais bon, la bourgeoisie avait pris l'essentiel du pouvoir, en Allemagne et évidemment, c'est même un peu la même chose qu'en Angleterre, c'est qui on appelait avant la Prusse. Donc, au 19e siècle, il y a une première crise. On s'est rendu compte que la bourgeoisie occidentale avait volé, en fait, le projet de tout le monde, le projet de la modernité. Et donc, il y a eu le marxisme et toutes les idéologies critiques qui se sont cristallisées autour du marxisme. Tout ce travail-là s'est développé jusqu'au XXe siècle, notamment avec ce qu'on a appelé l'école de Francfort, l'école de Chicago, qui ont poussé plus loin la critique, en fait, de la modernité occidentale à l'intérieur du cadre occidental, en disant « il faut plus ». C'est aussi dans ce cadre-là que naît le féminisme aussi, en disant, c'est-à-dire, toutes les populations qui étaient à la marge ont dit « nous avons le droit de jouir du projet occidental ». Et ce n'est pas seulement le projet de la bourgeoisie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a intégré autant qu'on a pu le faire, le tiers-État, toutes ces populations, on s'est toujours rendu compte que, y compris à l'intérieur de l'Occident, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas blanc et occidental, était écarté, y compris dans les théories critiques, était écarté. Et donc, il y a eu même la crise de la critique. Parce que ce dont rend compte Fukuyama, c'est que, en fait, un occidental moyen, quel qu'il soit, a droit à la couverture santé, a droit à l'éducation à un certain niveau, a droit à un minimum de protection sociale, a droit à, c'est-à-dire à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que quand on est en Occident, les revendications se font maintenant à la marge, et donc même le bourgeois peut revendiquer des choses. Mais c'est des revendications marginales. Mais ce n'est pas la même chose pour l'immigré, qui reste complètement démuni. Ce n'est pas la même chose pour le contexte du Sud, c'est-à-dire des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine, à part quelques poches de bourgeoisie là-bas, qui restent complètement démunis. Et le problème s'est posé, par exemple, avec le féminisme. On s'est rendu compte que l'afroféminisme émerge. Parce que les femmes, par exemple, noires américaines, se rendent compte que le débat féministe ne les intègre pas. C'est-à-dire, le féminisme, c'est la femme bourgeoise, la fille bourgeoise qui veut travailler et ne pas être enfermée dans le chalet de son père, qui veut avoir un emploi de service. Mais qu'en est-il de l'ouvrière? Qu'en est-il de la femme noire des ghettos à qui on impose un planning familial XYZ et qui elle-même est encore... elle a des problèmes de femme, mais en même temps, elle a des problèmes de discrimination contre tous les noirs. Donc, quand on dit l'histoire s'arrête en 90, les gens disent non, elle ne s'arrête pas, elle continue. Parce qu'on a des pays d'Asie qui font face à des booms économiques, c'est vrai, mais où l'essentiel de la population croule sous une misère indicible. On a des pays d'Afrique qui ont de la peine à sortir à la fois des décennies de colonisation et des siècles d'esclavage. Et pour lesquels les termes des échanges au niveau mondial du commerce, etc., sont complètement injustes. Donc, l'histoire ne peut pas s'arrêter. Or, comment faire pour relancer le projet de l'histoire? Donc, il faut penser d'autres manières de penser. Et ces autres manières de penser n'ont pas été prévues par la critique marxiste. Ces autres manières de penser n'ont pas été prévues par la critique féministe classique. Et donc, par les écoles de Francfort, de Chicago, etc., ça n'a pas été pensé. On a pensé la remise en cause du fascisme, on a pensé la remise en cause du nazisme. Mais comment penser la remise en cause du néocolonialisme? C'est la question que se posent les latino-américains. On a vu l'émergence des personnages comme Castro, comme le Vénézuélien Chavez. Tout ce chavisme-là, etc., Lula, d'une certaine manière, comment remettre en cause le néocolonialisme? Comment remettre en cause, comment dire, une écologie qui est au service du grand capital et remettre les populations locales au centre des débats? Donc, tous ces débats-là sont au cœur, en fait, du travail sur les épistémologies du Sud. Donc, on arrive à peu près comme à terme avec, je pense, comme un thème qui va être important. C'est comme un peu la décolonisation. Comme mettre en valeur les épistémologies du Sud, c'est en fait pas nécessairement expulser celles du Nord, mais c'est faire la place. C'est ça. Moi, je parle plus précisément d'élargir les frontières de la science. Élargir les frontières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est savoir? C'est... Il y a un cercle qui, schématisons, fait un kilomètre, je dis, en intégrant les autres manières de savoir sur Terre, ce cercle peut faire 10 kilomètres de diamètre. Donc, c'est tout simplement ça, élargir les frontières. C'est pas de dire séparer, c'est de dire élargir. Et pour élargir, le travail à faire, c'est d'aller interroger les contextes et de mettre ça en parallèle avec le projet de la modernité, tout simplement. C'est-à-dire, on se dit, OK, qu'est-ce qui fait médecine? On dit, voici ce que c'est que la médecine, voici le projet de la médecine, dès le départ. OK, dans tel contexte, qu'est-ce qui fait médecine? Parce que la définition, pour prendre, dire ça simplement, la médecine, c'est l'art, la pratique ou les connaissances qui permettent de prévenir, de guérir et ou de soulager une blessure ou une affection. Quand on va dans un contexte, qu'est-ce qui fait médecine? Quelque chose qui permet de prévenir une maladie fait médecine. Quelque chose qui permet de guérir une maladie fait médecine. Quelque chose qui permet de soulager une maladie fait médecine. Quand on arrive à ça, le cadre de la médecine va s'élargir. Mais si on décide que ce qui fait médecine, c'est la capacité à venir dans un hôpital avec des grosses lampes, avec beaucoup de machines, avec beaucoup d'argent, avec la RAMQ, avec ceci, avec cela. En fait, ça va exclure d'autres personnes. Ça va exclure l'acupuncture chinoise. Ça va exclure les massages thaïlandais. Ça va exclure. Or, ce qui fait médecine, c'est ce qui est capable d'apporter un soin, capable de guérir, de soulager, de prévenir. C'est ça qui fait médecine. Et quand on a déjà dit ça comme ça de base, on peut maintenant aller plus en profondeur et regarder dans ces autres contextes-là. Quand on dit X fait médecine, on met ça en comparaison directe avec le projet médical moderne. Si ça ne fit pas, si ce n'est pas correspondant, ça ne fait pas médecine. Mais si c'est correspondant, ça fait médecine. De la même manière, quand on prend dans le travail qui est fait en faculté de médecine, dans tous les cas, les professeurs qui sont formés en faculté de médecine, on regarde avec ce projet-là, qu'est-ce qui fait médecine et qu'est-ce qui ne fait pas médecine? Est-ce que cette pratique permet de prévenir, de guérir et de soulager? Oui, elle est médecine. Elle ne permet pas, elle n'est pas médecine. Ce n'est pas seulement parce qu'on participe d'un en commun avec les firmes pharmaceutiques, avec des pouvoirs politiques, avec toutes sortes d'ordres qu'on fait médecine. Non, Ce n'est pas ça qui fait médecine. Ce qui fait médecine, c'est la capacité à permettre à l'homme de vivre au mieux de sa santé dans un environnement X ou Y, avec la sophistication technologique ou pas. c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une démocratie des savoirs, au sens propre du terme, où chaque voix compte. Parce que ce qui compte ici, c'est de permettre à l'homme, quand je dis à l'homme, je veux dire à l'être humain, d'être bien, de se sentir bien. En Amérique latine, on dit « vivir bien ». C'est-à-dire, c'est tout un concept aussi là-bas. Bien vivre. Quelqu'un qui vit bien. C'est ça le projet de la modernité. Et parfois, on a nous qui sommes, là je dis ça clairement, nous qui sommes des scientifiques occidentaux, on a tendance souvent à l'oublier. L'objectif, ce n'est pas de connaître pour connaître. L'objectif, c'est de connaître pour permettre à l'homme, à l'être humain, d'être bien dans sa peau et de pouvoir vivre les 100 années environ de l'espérance de vie d'un être humain en moyenne, c'est-à-dire de vivre cet espace-là au mieux de sa forme et de pouvoir mourir, de vivre dignement, de mourir dignement. C'est ça l'objectif. Après, le reste, c'est des dynamiques et des valeurs qui sont étrangères au projet de la science moderne. Ok. Ouais. je me sens un peu trop engagé, je pense. Non, c'est bon. Je pense que, parce que là, l'affaire, c'est que ça résume quand même pas mal bien ce qu'on a commencé l'entrevue la semaine passée. Oui, c'est ça. Écoute, est-ce que tu as juste un exemple concret à nous donner de justement un projet en chantier d'aller comme intégrer justement ces savoirs-là? Je travaille pour ma thèse de doctorat. Je suis en train de réfléchir à une affection qui touche des femmes, beaucoup de femmes en Afrique, un certain nombre, en Afrique notamment subsaharienne. Et cette affection s'appelle les fistules obstétricales. Les fistules obstétricales, c'est une maladie qui n'est pas fun à avoir pour les femmes parce que, d'abord, c'est une maladie qui advient en général lorsqu'une femme met beaucoup de temps en travail, c'est-à-dire avant d'accoucher. Elle touche les femmes enceintes, donc. Une femme qui met beaucoup de temps en travail avant d'accoucher. Et elle consiste en la perforation de la paroi qui sépare le rectum et le vagin. Donc, il y a une voie de communication entre les matières fécales et la cavité vaginale. Et c'est une maladie qui est vraiment handicapante pour les femmes. Ce n'est pas une maladie qui tue les femmes, qu'elle ne les tue pas, mais vous pouvez imaginer combien c'est compliqué de vivre avec une telle affection. Ouais, juste pour être sûr, c'est quelque chose que je connaissais, qu'il y en a ici, mais c'est comme plus commun. Oui, okay. c'est plus commun dans ces contextes subalternes-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu une amplification de la médicalisation de l'accouchement et on ne forme plus vraiment des sages-femmes, des maïeuticiennes et des maïeuticiens parce qu'il y a quelques temps, dans les sociétés traditionnelles, que ce soit en Europe, partout dans le monde, c'est-à-dire la plupart des femmes, arrivés à un certain âge, savait faire accoucher une autre femme. Aujourd'hui, c'est un savoir qui a complètement été éliminé, gommé. Ce sont ces effets dont on parle. Et aujourd'hui, pour accoucher, il faut aller voir une sage-femme, une infirmière, un infirmier, un obstétricien ou un médecin déjà spécialiste pour pouvoir accoucher. Ça fait que dans des contextes comme des contextes africains, au Cameroun par exemple, dans les zones rurales, vu qu'il n'y a personne qui sait faire accoucher des femmes qui se trouvent parfois à 10 km, prenons même 5 km du centre de santé. Imaginez, le travail commence par exemple à 3 heures du matin. Vous vivez à 5-7 km du centre de santé. Vous devez traverser des pistes caouteuses, etc. Parce que tout le monde a quand même le droit de faire un enfant, même si on vit à perpète les oies, comme on dit en France. Donc même si on vit vraiment dans une zone très très reculée. Et donc, cette femme doit faire 7 km, s'il ne pleut pas, s'il n'y a pas d'inondation, si, etc. Parce que la vie doit continuer son cours. Donc, elle doit arriver à l'hôpital, marcher, s'assurer que dans le centre de santé, qui lui-même est souvent déjà dans une bourgade qui est un peu plus grande, mais qui n'est pas forcément la plus fréquentée, la plus alimentée en personnel, etc. Si au Canada, déjà, on a des problèmes de personnel dans les hôpitaux, bon, imaginons, par exemple, dans un village qui se retrouve quelque part perdu en Afrique. Donc, on peut se retrouver avec, par exemple, l'infirmière qui allait en ville, disons, pour prendre des médicaments là-bas, et elle est la seule qui est affectée. Donc, la femme qui est en travail, qui n'a personne qui puisse la faire accoucher, va attendre cette infirmière et elle va accoucher dans des conditions rocambolesques. Ça arrive, bon, c'est pas la règle, mais si ça arrive à 1% des femmes dans un pays comme le Cameroun, ça représente déjà par an 2000 femmes qui sont touchées par les fistules obstétricales. Or, vu que la biomédecine, qui est aujourd'hui l'unique paradigme qui fonctionne, parce que c'est lui qui est le seul qui est financé, parce que c'est lui le seul qui est dans le système de santé publique, la biomédecine réussit à réparer 600 de ces femmes chaque année. Donc il y a 1400 femmes qui sont touchées de fistules obstétricales chaque année qui ne peuvent pas être prises en charge par une chirurgie réparatrice. La question qu'on se pose, comment faire pour réintégrer des savoir-faire locaux pour faire face à cette affection. Donc, la question qu'on me pose, c'est, existe-t-il d'ailleurs des savoir-faire locaux? Parce que si les femmes vont au dispensaire, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Sauf que moi, je réponds que les savoir-faire locaux, précisément, ont été combattus, effacés, éradiqués, gommés. C'est-à-dire que beaucoup de femmes n'arriveraient même pas à avoir les fistules si elles pouvaient accoucher de chez elles. Beaucoup de femmes n'auraient pas de fistules si, dans leur environnement immédiat, il y avait quelqu'un qui pouvait faire accoucher. Parce que l'accouchement, on dit souvent que la grossesse n'est pas une maladie. C'est-à-dire que l'accouchement, s'il y a le bon kit, le bon savoir-faire, peut être fait par toute personne qui est capacité à le faire. Donc, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est, est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire millénaire de ces peuples-là, qui existent quand même depuis et que, sans doute, par hasard, ils avaient vu passer une fistule en passant. Il n'y a pas une connaissance qui permette de les prévenir, c'est-à-dire en renforçant, par exemple, ces parois, que ce soit par la médication, la pharmacopée dite traditionnelle, c'est-à-dire par les plantes, etc., soit par toutes sortes de massages, par des connaissances qui, dans tous les cas, ne sont même pas convoquées. Parce qu'il n'y a aucun cadre de promotion. Et puis, évidemment, est-ce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, les populations locales qui sont là-bas sont-elles incapables de réflexion pour apporter une solution, c'est-à-dire ad hoc, en attendant que la biomédecine puisse atteindre tout le monde puisse avoir accès. Est-ce qu'il n'y a pas de solution ad hoc qui puisse permettre d'élargir le champ de connaissances médicales pour permettre de soulager, ne serait-ce que. Parce que même quand on a fini de faire les 600 interventions, il faut encore, c'est-à-dire, faire le suivi. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que la réparation des fissures obstétricales provoquait des effets secondaires comme la perte de libido chez les femmes qui sont touchées. Comment faire pour accompagner ça? Donc, ça devient une maladie chronique. Imaginez une femme qui est dans sa... Parce que c'est des femmes qui accouchent, donc elles sont encore jeunes. Elle est dans sa trentaine, elle est dans sa vingtaine, elle est trentaine, quarantaine, grand maximum. Donc, elle a un chum, un mari, qu'elle doit satisfaire, elle, etc. Et en Afrique, il y a, au Cameroun en particulier, il y a la possibilité d'être polygame. Donc, c'est un vrai enjeu de ne pas avoir une vie sexuelle pour une femme qui soit épanouie. Donc, et ça, c'est une définition de la maladie que la biomédecine n'intègre pas. Et comment est-ce qu'on peut donc amplifier la biomédecine ou bien la médecine en tant que telle en s'appuyant sur différents paradigmes qui fassent en sorte que ce que la biomédecine réussit à faire, on l'accompagne. Ce qu'elle n'arrive pas à faire, on travaille ensemble pour pouvoir supporter. Voilà un cas, par exemple, sur lequel, là, c'est encore des hypothèses, sur lequel je suis en train de travailler. Bon, c'est pas, comment dire, ce n'est pas très sexy pour beaucoup de personnes qui se disent que, bon, comment on va faire pour faire de l'argent avec des médicaments? C'est pas sexy, mais c'est un problème réel et c'est quelque chose qui, comme peu importe si ça fait de l'argent ou pas, ça soulage. C'est ça. Déjà. C'est ça. Donc, mais comme peut-être ça va peut-être pas générer des milliards, c'est pas fun, c'est pas sexy, ça va pas faire la une. Et l'idée n'est pas non plus que ça fasse la une ou que ça permette de passer dans les journaux, mais si ça réussit à ramener la réflexion, parce que moi je suis un théoricien, je fais de la philosophie, de la médecine, avec ces épistémologies du Sud. Donc, si ça peut permettre de rouvrir la définition sur la médecine vers ces horizons-là, ce sera déjà quelque chose d'important à intégrer dans les facultés de médecine. Excellent. Écoute, c'est tout le temps qu'on a pour notre conversation, je pense. C'est beaucoup de matière à réflexion. Il y a plusieurs questions que je n'ai pas eu le temps de poser. On va y réfléchir. Merci d'être passé. C'était bien le fun. Merci beaucoup à toi. Ça m'a permis de... Ventiler. De ventiler. Et puis, je n'assume pas tout ce que j'ai dit parce que c'est encore un work in progress. Ça continue à bouillonner. C'est vraiment... Épistémia m'a permis, en fait, aussi de remuer un peu toute la marmite parce que c'est un terrain encore un peu mouvant. un peu beaucoup mouvant. Mais c'est un peu le sens dans lequel je suis en train d'aller. Quand je dis que je n'assume pas ce que j'ai dit, ça ne doit pas vous effrayer. J'assume la plupart de ce que j'ai dit. Mais il y a comme un travail, comme un travail sur le moment, un peu ad hoc, justement. Oui. Beaucoup de choses qui sont dites au présent de l'indicatif doivent vraiment être prises au conditionnel parce que c'est un travail de laboratoire. Donc, c'est comme si je vous ai ouvert la porte de mon laboratoire pour vous dire je suis en train de faire ceci, voici les échafaudages que je suis en train de monter, mais ce n'est pas la forme finale que va prendre la demeure. Mais écoute, moi, je vais te rassurer. Je pense que la conversation qu'on a eue est quand même pas mal plus substantielle que comme certaines autres qu'on peut entendre comme podcasteurs populaires là, qui sont comme écoutés par des millions de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont juste comme faire réfléchir les gens. Croisons les doigts.